s'il te plaît, ça fait un quart d'heure que je te demande. Ouais, j'arrive. Léa, tu peux aller mettre sur la table. C'est maman qui me demande. J'ai pas faim. Enfin, ce serait bien, moi, si j'étais ça, moi, je suis content. Hein.